comme en trois défesses moulées, qui guide les faces moussées. C'est elle qui joue la femme de l'exor, faut pas toucher. Pourtant la même olie te rend ouf quand tu l'as touché. L'idée t'as dit d'aspect, celle qui ne faut que chauffer. Une fois au pieu, face à moi, que tu changeras d'aspect. D'aspect, enlève ton string et parle pas de respect. D'aspect, enlève ton string et parle pas de respect. J'vais là. Présentation des MC, les mecs qui kiffent le MIC. Comme le boy, fais la la tasse, fais la la. J'ai devant ma E, 4 autres, fais les lignes, tu gobes tout, putain, j'crois t'es, foule le, ah, foule les. T'as toi tout seul, tu gueules comme une neuf, foule le, j'te foule le feu, mais tu l'éteins tellement, tu foule le. Foule au lit jusqu'à ce qu'apparaisse mon foule au lit, vas-y. Manquer forme, tu vois, oui, coucou, na aussi. Sans des coco néné, tu me coco néné, j'vais être coco néné. Ma coco chante, j'peux ma coco, pourtant j'kiffe des gros. Néné, néné, néné, toutes les rats, j'ai vu les tasses à gogo. Jamais les rats à gros, juste le jungle, mon coco. Elles ont toutes le torse pompé, les tasses, les tasses, les tasses, mais forment trois des fesses moulées qui quittent pour les faces moussées. Celles qui jouent les femmes de luxe, genre, faut pas toucher. Pourtant la même au lit te rend ouf quand tu l'as couché. Nique les tasses, les tasses, mais celles qui ne font que chauffer. Une fois au plus, face à ma gueule, tu changeras d'aspect, d'aspect. Enlève ton string et parle pas de respect. Salope, enlève ton string et parle pas de respect. D'aspect, tu kiffes les mecs de Paris, d'aspect. Tu kiffes te faire frotter même sur du peura, d'aspect. Sur mon ring, t'en sors pas en entier, d'aspect. J'arrache ton string avec mon dentier, d'aspect. Tu kiffes les douilles, demande à Ish ma couille, d'aspect. J'suis un chien, présente-moi ta chatouille, d'aspect. Et qui est salope ou michto, d'aspect. Parce que t'as donné des michtos, d'aspect. J'te crache dessus parce que t'avales, d'aspect. J't'aime pas mais j'te baisse comme elle, d'aspect. Me fais pas la bise si t'as de l'herpès, d'aspect. Ma pitié à manger berpès, d'aspect. J'te donne ce que tu veux sauf du respect, d'aspect. J'ai cramé tes fils espiègles, d'aspect. Ton fils s'appellera fils de pute, d'aspect. Cesse de faire ta pute à l'arrêt de bus. Elles ont toutes le torse bombé, les tasses, les tasses, les tasses. Mais vont en droit des fesses moulées qui quittent pour les faces moussées. Celles qui jouent les femmes de luxe, genre faut pas toucher. Pourtant la même au lit te rend ouf quand tu l'as couché. Nique les tasses, les tasses, mais celles qui ne font que chauffer. Une fois au plus, face à ma gueule, tu changeras d'aspect, d'aspect. Enlève ton string et parle pas de respect, d'aspect. Enlève ton string et parle pas de respect. Elle veut mon bif, car elle restera une bitch. Ici ou ailleurs, elle a bouché un spliff ou une bitch. Elle speak trop, passe son temps à Vigo, vit trop et elle adore qu'on lui paye le resto. Le tarpé façon, dans un jean bien fashion. Mais n'oublie pas qu'en dessous, y'a un string sale. Ça chung, ça craint, elle kiffe les bananes dans son vagin. Catin, face à toi, je deviens trop malsain. Atteint par la folie, moins acolyte, elle est trop jolie. Le chétan nous envahit, maïf et rempli d'aspect. Face à moi, tu ne pourras que te gratter. Sois pas surprise, dans 9 mois la surprise. Elle gifle les problèmes, les mecs qui ont du sursis. Sur ce, rien ne glisse comme un grec sans sauce. Mais du lubrifiant dans ta vie et fais le parcours sans elles faute. Elles ont toutes le torse bombé, les tasses, les tasses, les tasses. Mais vont en droit, les fesses moulées qui kiffent les faces moussées. Celles qui jouent les femmes de luxe, genre faut pas toucher. Pourtant la même au lit te rend ouf quand tu l'as couché. Nique les tasses, les tasses, mais celles qui ne font que chauffer. Une fois au plus, face à ma gueule, tu changeras d'aspect, d'aspect. Enlève ton string et parle pas de respect, d'aspect. Enlève ton string et parle pas de respect. Elles ont toutes le torse bombé, les tasses, les tasses, les tasses. Mais vont en droit, les fesses moulées qui kiffent les faces moussées. Celles qui jouent les femmes de luxe, genre faut pas toucher. Pourtant la même au lit te rend ouf quand tu l'as couché.